jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Les bras chargés de tous mes mots d'amour. C'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Tuer le printemps, toutes tes filles.